Alors, un petit détail encore pour finir, petit complément, parce que je trouve ça très intéressant, c'est mon amie Elena qui a spécifié quelque chose par rapport au jardin et quelque chose de très positif par rapport aux gens Oui, les Bulgares des sont. Bulgares par rapport au bon vin. Donc, je voudrais d'abord son commentaire. Ben, les Bulgares, et je pense que c'est le point, peut-être même le seul point positif où les Bulgares ont dit, là quand même, ils font mieux que nous parce qu'ils ont leur propre jardin, ils cultivent la terre, ils ont des bons résultats. Tandis que nous, bon, on a plusieurs centres, mais on n'a pas de, on ne produit rien, on n'a pas de jardin. Ça, ils étaient quand même admiratifs et voilà. Alors, je vais me faire un plaisir de briser aussi cette admiration, parce qu'il se trouve que je travaille avec Alain Bourgeois, qui peut-être aura le courage de dire la même chose s'il a un petit peu de courage, et je travaillais avec lui. Alors, mon travail, c'était de faire des trous pour planter des salades, pour planter des radis, pour planter des carottes, pour planter n'importe quoi. On faisait un gros trou et je y déversais plusieurs croquettes de trucs totalement chimiques, les plus hautement chimiques qu'on puisse trouver. C'était acheté directement chez Monsanto et que l'on mettait dans les trous de chaque chose. Et on en mettait au moins la moitié du trou, c'est-à-dire la valeur d'un bon yaourt bien rempli de croquettes. Puis ensuite, on mettait les carottes avec la terre, et ainsi de suite. Et quand moi je rencontrais des gens du bon fin qui étaient là et qui disaient: Oh, regardez mon frère, ces carottes, elles sont si belles, les entités, les devas de la nature sont avec nous pour produire ça. Eh ben non, c'était Monsanto. Voilà. Donc là, je suis bien placé pour le savoir parce que j'étais là. Hein. C'est moi qui vidais tous les trucs. Je trouvais ça dégueulasse, mais bon, en même temps, j'étais juste quelqu'un du bon fin et je faisais ce qu'on me disait de faire. En plus, j'étais assez nouveau dans l'agriculture et Alain Bourgeois me disait toujours, c'est comme ça, parce qu'à un moment, on a même essayé de faire comment ça s'appelle, de la permaculture. Et la permaculture, ça a été un cauchemar total, puisqu'il disait qu'il fallait laisser reposer la terre pendant plusieurs années, ce qui était hors de question, parce que nous avons besoin d'une production maximum au bon fin, puisque le maximum de bénéfices du bon fin se faisait grâce à une production hyper intensive, grâce aux produits chimiques Monsanto et compagnie. Voilà la dernière petite touche de rêve par rapport au bon fin. J'y étais, et si vous me traitez de menteur, je peux témoigner, je suis un témoin direct. Merci.